je veux, et que ça vous plaise ou non, moi je suis libre et heureux. Gardez pour vous vos lois et vos limites, je ne serai jamais complice de cette illusion démocratique. J'apprécie les choses simples et je vis en parallèle de ce système aberrant qui voudrait me couper les ailes. Je suis comme ça, leur vision de la vie ne me plaît pas. Pourquoi rester sur place quand on se sent partout chez soi? Ma liberté n'est pas à vendre, j'avance au gré du vent, je trace ma route sans me soucier du temps. Nomade voyageur, peu m'importe le nom, une chose est sûre, je me sens bien dans cette vie de vagabond. On rejette la routine, on a choisi l'aventure, partisan du bonheur et de la vie en pleine nature. Citoyen du monde, sans frontières et sans patrie, on restera quoi qu'il arrive. Nous ne sommes pas rentrés dans le moule, et c'est bien ça qui vous énerve. Mais comprenez bien une chose, nous, on vous emmerde. Votre système qui emprisonne, non merci, très peu pour nous. On choisira notre route, on vivra un peu partout. Sur les chemins de France, ou aux quatre coins du monde, on a choisi l'indépendance, quitte à traverser les ronces. Des temps modernes, avides de liberté, votre système nous a fait fuir parce qu'il voulait nous contrôler. Donc on a pris la route pour voir ce qu'ailleurs nous propose, car la vie que vous voulez nous imposer est bien trop morose. On rejette la routine, on a choisi l'aventure, partisans du bonheur et de la vie en pleine nature. Citoyens du monde, sans frontières, sans patrie, on restera.